te eza mbongo te Itazini d'Afrika Itazini d'Afrika Qui t'aime. You are. bolingo ebotama oyalengatie na matebu yehe mukarame Yeah. tuku tuku.